Planet Rap. À partir de maintenant, tout ce que tu vas entendre est complètement nouveau et totalement inédit. Pour avoir reçu la totalité des artistes de la scène urbaine, Planet Rap. Elle est devenue l'émission rap de référence. Let's go. Ce soir et toute cette semaine, Skyrock reçoit Blacko. Are you ready for this? En direct et pendant une heure complète. Planet Rap. C'est maintenant sur Skyrock. Et c'est parti pour Planet Rap. Avec Blacko en pleine forme. Bah alors là, ça va? Ça va en intensité, j'ai l'impression. En intensité, c'est normal, c'est mercredi soir. On a promis une grosse surprise qu'on va vous dévoiler d'ici quelques minutes. Et même Kinder, ils sont pas prêts. Ils sont pas prêts? Ils sont pas prêts. Pourtant, on en a bouffé, mais non, t'es où tout le là, truc. C'est surprise. On y va. Si vous avez une idée de la surprise, tiens, dites-nous avec le hashtag Blacko sur Skyrock. Il y aura aussi votre freestyle par téléphone. Right. On mettra des extraits, évidemment, si du temps est compté. Hein. Toujours, ouais, bah ouais, pour écouter le chant du petit oiseau, toujours. Très bien, le chant du petit oiseau, peut-être du live aussi ce soir, restez avec nous. Je pense aussi. C'est le Planet Rap, gros Planet Rap avec Blacko. Et puis hier soir dans l'émission, si vous n'étiez pas là, vous avez loupé ça. Voilà. Écoute, c'était hier soir, en direct sur Skyrock. Donc tu es venu avec du monde ce soir, Blacko. Voilà, des artistes de label où je suis. Ouais, c'est un peu relou. Prends des forces là, jeudi. Ah mais c'est l'hiver, moi, l'hiver c'est vraiment jamais mon pote. Planet Rap. Tu comprends, c'est rapide comme un serpent. 95170, c'est ça, même mon matricule. T'inquiète, MC Mary, même ça bafouille, je m'en bats les steaks, je reste accroché à l'instru. T'as reconnu BLA, c'est KO sur le beat, jamais intrus. Hey. C'est Planet Rap sur Skyrock. Quelqu'un qui fait son Planet Rap régulièrement en fait. Ouais, il m'avait invité dans le sien, si tu te rappelles. C'est Monsieur H. Magnum, comment ouais, ouais, ouais, ouais, ça allez, va, allez, ça allez. Va, super. Le Dream en personne, lui-même. Ah, ben voilà, ça fait plaisir d'être là. Mais toi aussi, tu es malade. Gros. Hein? Toi aussi? Non, moi c'est ma voix. Ah merde! Ah là, moi c'est ma voix. Avec Blacko sur Skyrock. Choisis d'être un suiveur ou sois ton propre leader. Cherche l'équilibre, le chemin susceptible d'être le meilleur. T'as le choix entre le paraître ou l'intégrité. Choisir entre illusion et réalité. C'était hier soir, en direct sur Skyrock. T'avais un doute, ouais, justement, sur en arrivant avec le temps et compter tu... Ouais, mais complet. Vu ce qui se fait, vu ce qui marche, on se dit, est-ce qu'on suit cette tendance, est-ce qu'on suit l'autre, ou est-ce qu'on en crée une nouvelle. Bah après, on a hésité mille fois, c'est comme un ravin, hein. Créer une nouvelle tendance, et elle prend ou elle prend pas. Je fais mon truc, je ramène mon chant reggae sur du hip-hop. Planet Rap. Freestyle totalement improvisé. J'ai rien écrit, rien fait, j'ai rien révisé. Je suis en pleine chute libre sur mon fil. C'est un truc artistique, si t'aimes pas, vas-y, file. Planet Rap. Ah ouais, Skyrock. Imagine t'es dans une salle avec un briquet allumé. Aïe, aïe, aïe, Blacko ce soir. Ouais. C'est Blacko qui vient catcher. Sur le microphone j'ai quelques flots à dispatcher. Quoi qu'est-ce qui se passe, t'as vu, je sais aussi tchatcher. MC Reggae Man, quoi, on va pas se la cacher. Je peux kicker, y'a pas de soucis, je peux le faire. Sur le son, t'inquiète, j'ai les armes pour la guerre. Qu'est-ce qui se passe, j'ai mis tout le monde à plat ventre. Je kick un petit freestyle, après chez moi, puis je rentre. L'émission rap de référence, Planet Rap. C'est Planet Rap sur Skyrock. Le Planet Rap avec voilà, Blacko. Voilà. Bon, avec c'était hier soir. Des petits freestyles en impro parce que j'aime bien. Ouais, ah, j'aime c'était bien. Bon, c'était bon l'impro voilà. D'hier. C'est comme des musiciens qui font un bœuf, tu vois. Ils préfèrent. C'est là, tu t'éclates un peu plus quand c'est pas prévu et voilà. Tu fais sur scène un peu ça ou toujours. Même quand j'étais dans mon expérience reggae avec Enfant du Soleil, je prenais toujours un 2-3 minutes par là pour placer des petites impro et tout, prendre la température avec le public, j'aime bien. Et ça doit être quelque chose parce que déjà là dans le studio, mais tu fais des bons. Ah ouais, sur donc, scène, porté, c'est porté par le public. Ça ah doit ouais, être... là c'est. Des fois on va loin. Et loupez pas d'ailleurs demain Blacko du côté de Marseille. Marseille au Molotov, soyez nombreux, venez, on va s'amuser. Yeah. Tournée de Blacko, le temps est compté. C'est ensuite il y a Toulon, il y a plusieurs dates d'ailleurs. Il y a Toulon le 6 février. Aux couleurs urbaines, le 7 février Montpellier à l'Antirouille, le 20 février le Lyon au Ninkasi, le 21 février à Bordeaux au Rock School Barbet. Ouais. Voilà. le 10 mars à Metz, la Chapelle des Trinitaires, le 12 mars à Grenoble, l'Empérage, le 14 mars à Rennes, l'Antipode. 14 mars le 16 mars, Toulouse, la Dynamo. 19 mars, Paris, la Boule Noire. Il y aura une deuxième date vu que la première est complète. Le 28 avril au Printemps de Bourges et le 2 mai au Festival Ink Rock à Incourt. Erise est là, on l'a pas salué, mais Erise Baffy est là, il est prêt. C'est notre Baffy. Moi j'ai mes punchlines qui sont prêts. Il est prêt à dégainer à n'importe quel moment, bam. J'attends que la prochaine qu'appelle. L'intervenant. Il y aura le freestyle tout à l'heure, allez-y, 41-759. Pour laisser vos messages avec le hashtag aussi Blacko sur Skyrock, on débute avec un petit temps et compté qui glisse bien. Allez, bah il glisse bien. Ah, c'est parti, il va tout droit. Tout droit. Straight! Skyrock. LTE, c'est disponible, va le chercher. Real, real, real. Seul l'amour me porte chaque jour. Il me donne envie d'exister. Et Dieu merci, j'ai une famille, des amis qui m'entourent. Et où j'aime me réfugier. La vie est courte, demain ça pourrait être mon tour. À tout moment la vie peut me quitter. Alors je profite de chaque instant, oui je savoure. Chaque seconde le temps est compté. Je peux pas faire semblant, faire semblant. De sourire quand le cœur n'y est pas. Je peux pas faire semblant, faire semblant. Jouer un rôle, ça ne m'intéresse pas. Je continuerai de chanter au effort. Attaché à mes valeurs, les défendre jusqu'à la mort. Ça ira mieux si Dieu veut demain, j'aurai moi mal. Seul l'amour me porte chaque jour. Il me donne envie d'exister. Dieu merci, j'ai une famille, des amis qui m'entourent. Il où j'aime me réfugier. La vie est courte, demain ça pourrait être mon tour. À tout moment la vie peut me quitter. Alors je profite de chaque instant et je savoure. Chaque seconde le temps est compté. Je peux pas faire semblant, faire semblant. Être heureux quand je ne le suis pas. Je peux pas faire semblant, faire semblant. De toute façon le regard ne trompe pas. Hey, pourquoi se mentir à soi-même? Moi je ne peux faire semblant d'aimer. Au pire des fois mon grand problème, c'est pas toujours trouver les bons mots pour parler. Je suis rêveur mais je garde l'esprit en éveil. Chaque jour j'essaie d'être meilleur que la veille. Ce n'est pas chose facile mais bon quand même j'essaie. Je garde la voix, je suis un enfant du soleil. Seul amour de chaque jour, il me donne envie d'exister. Dieu merci, j'ai une famille, des amis qui m'entourent. Il où j'aime me réfugier. La vie est courte, demain ça pourrait être mon tour. À tout moment, la vie peut me quitter. Alors je profite de chaque instant et je savoure. Chaque seconde, le temps est compté. Je continuerai de chanter haut et fort. Attaché à mes valeurs, les défendre jusqu'à la mort. Demain ça ira mieux, si Dieu veut demain j'aurai moi mal. Seul l'amour me porte chaque jour. Il me donne envie d'exister. Dieu merci, j'ai une famille, des amis qui m'entourent. Il où j'aime me réfugier. La vie est courte, demain ça pourrait être mon tour. À tout moment la vie peut me quitter. Alors je profite de chaque instant et je savoure. Chaque seconde le temps est compté. Le temps est compté à l'instant avec Blacko. C'est sorti uniquement en EP digital. C'est ça, digital, iTunes, Play Store. Il y a autre chose encore, mais on m'a pas signalé c'était le quoi. Donc j'ai pas envie de dire de conneries. Mais il y a surtout le clip qui est disponible. Ouais, de Accrocher à mes rêves. Exactement. Et le temps est compté aussi. Il y a le clip aussi de Préviens-les. Donc il y a de la matière à regarder, il y a du truc. Voilà. Big up Ayopsi d'ailleurs, qui est là, qui a réalisé le clip de Préviens-les. C'est le gros big up Ayopsi. Voilà. Bang! Et bah, aller faire un tour, aller cliquer, aller mater justement les images de Blacko. Peut-être qu'on repassera d'ailleurs tout à l'heure Accroché à mes rêves. Je sais pas ce que tu as prévu, ce que tu as envie de passer ce soir, Blacko. Je sais pas, j'ai envie de que ça. Un peu de Préviens-les aussi, parce qu'on l'a pas. Ouais, aussi, on l'a pas promis que tu regardes bien. Ouais, c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Je vois ce que je veux dire. Oh, les deux en studio, ça doit être quelque chose. Hein. Oh, punaise. Oh, on s'est bien trouvé ça. Ah ouais, s'est bien trouvé les deux en studio. Attends, on n'a pas commencé, parce qu'il y a des grosses surprises là. Ouais, ouais. C'est vrai, c'est vrai. De quelle surprise? Tu parles de ce soir. Exactement. Des surprises avant 21h. Voilà. Ah ouais, avant 21h. Bon, il y a déjà plein de propositions. Ouais, on a vu sur l'écran et tout, c'est pas mal, il y a des. Mais c'est pas encore ça. C'est pas encore ça. Non, non. Cherchez, c'est pas encore ça. Allez-y avec le hashtag Blacko sur Skyrock. Yeah. Vous balancez vos messages. D'ici là, il y aura aussi le freestyle par téléphone. Et puis Blacko, un extrait du EP qu'on va mettre maintenant. Donc, alors on passe sur quoi? Préviens-les. Ouais. Allez, préviens-les. Préviens-les que 2015, on est là, on vient chanter. À la prod, monsieur Eraïd. Exactement. Lui-même. Et tout seul. Et tout seul. Tout seul, ma gueule, comme un grand. Non, avec Blockness, mon rêve, on le compte même plus. C'est moi, c'est pareil. Bon, il faut dire que c'est une histoire de famille. Hein. Voilà. Il a été plongé dedans par. Oh là. Ah. Ah, oh là là. Ah là là, dans oh là les A. Ah. Peut-être qu'il faut interrompre. Interrompons les programmes. Interruption de programme spécial. Momo ne met pas c'est le moment d'une surprise très spéciale. Dommage, on n'a pas un petit fond de musique. Si, bah, tu veux la surprise? Ouais, je veux la surprise. Nous, on a préparé quelque chose. S'il y a quelque chose, c'est maintenant. Et bah alors, attention, vous allez tout de suite savoir quelle est la surprise. Alors là. Planet Rap. Planet Rap. Soir, 20h à 21h, c'est Planet Rap sur Skyrock. Tourner sur la console des jeunes qu'il vient d'interpeller. Y'a ce mec qui garde la foi malgré cette vie de chien. Celui qui en chie dans sa vie mais qui dira tout va bien. Planète Rap. Si c'était poussé à bout, ça y est, t'es pété de son ressort. Il t'a confié à un vétérinaire, ta chebou est trop hardcore. En plus, en ce moment, il recrute ta mort. Y'a le silence des années 2 qui se prépare. Tu peux faire chier. Planet Rap. Sniper, il meurt d'élite section. Vous représentez aïe, aïe, aïe. Quoi 9-5, Val-d'Oise, banlieue nord, tonton. Ouais. Sorti de nulle part, c'est trop le bal. La région parisienne, on met 95 sur la Tocar. Les banlieusards du nord interviennent. Les hyènes participent au Delport. À deuil la baronnière entre espace vert et côté obscur. Associable, sniper, produit prohibé. Fournisseur de matière inflammable comme JR et JB. Val-d'Oise, CRF, la haine qu'on apprivoise. La dessous, ADDF, de taille la barre à bon poids. Serre les seuls pour les nine fights au nard. C'est juste un gros nard. Je te le rappelle au cas où t'aurais pas capté. C'est pour mon QG, ma zone, mon secteur, mon quartier. 9-5, les gouttiers de mon dieu. Vous savez tous représenter comme il le fallait. Pas la booster. 3, 2, 1. Ok. Tous les soirs. Hey, hey, hey, hey. 20h21h, en direct avec Joaco. Je l'avais dit, même Killer, il était même pas prêt pour ça. Ah ouais. Il était même pas prêt, il a même fondu. Pas prêt. Il a... Qu'est-ce qui se passe? Tout a fondu, les messages sont en train de ouais, défiler. C'est en train de péter le truc, c'est bon ça. Donc, alors voilà. Blacko, je te laisse quand même. Parce que bah, la surprise. On en a parlé en début de semaine, où tu disais, bah, on se reparle un petit peu, voilà, on échange en tout cas. Ouais, on s'est reparlé, tu vois, j'ai fait 2-3 interviews à droite à gauche, où j'ai dit, c'est pas impossible si on se reparle, on met les choses sur la table, tu vois, nos couilles même sur la table et on crève nos abcès et trucs. Chose qui a été faite, donc voilà, tu vois. Même s'il a fallu passer par des. Brûler des disques d'or, mais en même temps, tu peux brûler des rancunes, brûler des non-dits, brûler des. Tu vois. Ce que tu as expliqué, on en est parlé aussi, ouais, du clip où tu brûles le disque d'or. Voilà. Mais c'est brûle, Babylone brûle, mais t'inquiète pas. Et je pense que donc on peut accueillir monsieur Aketo, monsieur Tunisiano. Bonsoir. Et monsieur Blacko, Sniper. Ah, punaise, bah, dis donc. Putain, ça faisait un moment, hein, tous les trois. Kilucru.com en ce moment, c'est mon truc. Et bah, en tout cas, ça fait super plaisir. Alors évidemment, on va pas déballer tout ce qu'il y a à se dire entre vous, parce que c'est une histoire de groupe, une histoire de potes, une histoire aussi parfois, voilà, entre hommes. Donc, c'est on va pas régler ça maintenant. C'est votre histoire en commun, d'ailleurs, en plus. Et qu'on n'est pas là-dedans, on n'a jamais été là-dedans dans Planet Rap, hein, je laisse ça aux autres. Donc, c'est la surprise de. C'est la surprise. Donc. Marcel Béliveau. Voilà. Ça fait vraiment plaisir de vous retrouver. Ouais, ça va, tout le monde va bien? Ouais, bah ouais, très bien même. Ça fait bizarre d'être nu. En mode un peu daron, tout le monde a des enfants et tout, c'est. Voilà. mais toujours là et toujours envie de faire des trucs. Et bon, voilà. Vous étiez croisés en même temps, vous étiez déjà revus ou... Ouais, non, on se voyait, on se croisait de temps à autre, mais c'était, on se disait pas les vrais trucs, on se voyait vite fait. Et vas-y, on est grand maintenant. Donc là, vous pouvez annoncer maintenant le Stade de France de Sniper. Ah oh, Stade de France quand même. Doucement. On va y aller tranquillement, en effet. Non, voilà, mais en tout cas, cette surprise, elle en contient une deuxième. Ouais. Je la dis maintenant ou... Ah bah, on peut y aller. La deuxième aller. Surprise, ah ouais. C'est voilà, parce que je reçois beaucoup de messages. Oui, dans ton album, Blacko, est-ce que... Est-ce que, on va leur poser la question même, tonton. Oui. Voilà. Il a déjà dit oui. Est-ce que petit posage dans l'album de. Ouais, avec plaisir. Voilà. Ce serait pas mal de refaire un bon petit morceau. Ce voilà, bah, voilà. Ça commence à dater en plus. Là. Comme l'oiseau de feu, on renaît de nos cendres. Ça va être encore mieux, je crois. C'est pas mal. Bon, est-ce que vous avez une oreille en tout cas sur le temps est compté, le EP. Bien sûr. Ouais. J'ai ma fille qui danse dessus quand elle regarde le clip. Cette ambiance. Bon, eh ben, ça fait plaisir de vous retrouver en tout cas dans ce Planète Rap. Les snipers sont là, vous balancez vos messages aussi avec le hashtag. Bang, bang, bang! On a rajouté le hashtag sniper sur Skyrock, donc vous pouvez balancer surprise, aussi. Surprise, manifestez-vous avec vos messages, ce que vous en pensez. Est-ce que c'est bon? Une est-ce que c'est surprise. Pas bon? Est-ce qu'ils sont rouillés ou est-ce qu'ils vont tout dérouiller? est-ce que la cible est toujours verrouillée? Ah, ouais, tiens, dites-nous un petit peu, petit sondage express, plaisir, pas plaisir, allez-y, bon, je pense en tout cas, voilà. Et puis c'est aussi, voilà, c'est des histoires de. Bah après, c'est les choses de la vie, tu vois. C'est les choses de la vie, hein. Au final, il n'y a rien, tu vois, ça, on reste des amis d'enfance. Moi, après, il y a pas, quelques non-dits. Je voulais pas que le groupe il se remonte, mais juste pour rien. Tu vois, ça aurait fait, comme je disais en interview, boys band, ça a rien. C'est mieux bande de potes et on repart que. Donc là déjà ça va être des participations peut-être sur ton album, ça voilà, ouais, c'est ouais, la deuxième grosse surprise que t'as annoncé. Voilà. Peut-être sur vos projets aussi, ouais. Je sais pas où vous en êtes, Tunisien. Moi je suis sur mon album aussi. Voilà, j'espère qu'ils seront de la partie aussi. Ben c'est voilà. Comme ça que bah ça oui. Se passe. Et puis après, peut-être par la suite, c'est ça. On pourra imaginer un album ensemble, le retour de Sniper. Une tournée. Doucement. Tranquillement, voilà, allons-y. Voilà. C'est le flocon de neige viendra là, tu vois, la boule qui groule et qui. Bah tiens, si on devait choisir un morceau de Sniper qu'on pourrait passer maintenant, ce serait lequel si vous voulez. Ouais, moi c'est gravé dans la roche, hein, je vais pas faire 25 000 tours. Ouais, je suis d'accord. Ouais, c'est celui qui vient à l'esprit en premier. Voilà. Gravé dans la roche. Big up à tous les gens qui étaient là et qui ont levé leurs mains dans ces moments-là, là, quand ça partait en feu, là, quand c'était la guerre. Et ben, big up à vous tous. Ouais, j'allais vous demander, c'est quoi le premier souvenir quand vous vous retrouvez tous ensemble? Vous pensez à quoi? Les dates, les concerts, les moments de studio Ça et aussi la création du le tout départ. Ouais, bien avant les concerts. Bah, les premiers moments de galère, ouais, surtout. Voilà. Quand t'es là. Putain de merde. Le hall de l'insourde. Contre toute attente. Ah, ouais. C'est voilà. Allez, on balance gravé dans la roche. Sniper. Remember. Merde. Alors, si t'étais là dans les zéniths, hein, que tu levais ta main très vite, très bien. SNIPL 2015, on reprend les armes, y'a encore la guerre à faire. Let's go! On se rapisse, on est arrivé les mains dans les poches. À l'époque, c'était on voit le beat, on fait le truc à l'arrache. Et laisse parler la rage. Moi et mes potes, on veut graver ça dans la roche. On a la dalle et rien dans le beat. Depuis, le blaze a tourné, tu connais la suite. Tout ça est passé bien vite, tout sait que j'en suis. Dans la vraie vie, oui, c'est de ça dont je parle. Ce serait mentir si je dirais que c'est pareil. Déjà, je suis moins sur la paille. Et je suis sorti de mon trou, voir du pays et vie. Des moments forts avec mon trou qui fait entre nous. Et rendre fiers les nôtres qui nous ont connus et soutenus avant tous les autres. C'est pour les mecs de chez nous, les équipes de lui. Là, il a repas, cousin, ben oui. J'étais chez au QG entre couilles. Là où je suis dans mon élément. Là où j'ai tellement passé de temps à qui fait rien faire. Je suis presque un meuf qu'on peut pas déplacer. Comme une encre impossible à effacer. Comme un tag à l'acide, comme mon place. Gravé à la bougie sur les vitres du RER. SNIPER. Allez, avec un putain de métrage. Écoute, hoche, la tête si t'accroches. Pour nos familles et nos proches, c'est gravé dans la roche. Sorti de nulle part. C'était écrit, c'est pas un hasard. Un jour notre place sera. Pas on s'accroche, du but on se rapproche. Son disque sous le porche, c'est gravé dans la roche. Maintenant la clé même, on retranscrit la vie qu'on mène. Sur disque ou sur scène, c'est gravé dans la roche. Tout ce qui s'est passé, j'ai pas changé. C'est vrai, je suis toujours le même enfoiré. Je retourne pas master. Non, garde mes principes et mes points d'attache. Je quitte pas la célébrité, je ramasse juste mon cash. Mes points de repère, sinon je suis du père. L'ami Falago, les compères, c'est plus près. Rien à foutre de leur hip-hop jet set. J'profite de la chance que j'échoue pas le guéri. J'me prends pas la tête. J'suis pas une vedette. Et j'veux pas en être une. J'suis pas mieux qu'un autre. J'ai pas marché sur la lune. Gravé dans le bitume, gravé dans la roche. Juste ma plume et mes proches. J'me rappelle de nos débuts. Remember. 7, commencement de l'histoire. Proposition de l'album, on voulait même pas y croire. 30-0 à 2000, la machine fait en route. 2015. J'ai rien à foutre. Maintenant qu'on est hal, faut bien y rester. Gravé sur la dalle. Aimer ou détester. Continue et continuera. Inch'Allah, qui vivra verra. Écoute, hoche la tête si t'accroches pour nos familles. de nulle part. C'est tout écrit, c'est pas un hasard. Un jour notre place sera. Dans ma chambre, tu sais, tout a changé depuis le 11 septembre. Mais pour vrai, c'est idem. Du kiff-kiff au final, t'as reconnu la voix que t'aimes. La même signature vocale. Chacal à l'arrache, du hip-hop sans complexe. Tellement gravé dans la roche, j'allume mes clopes au silex. Riche pas encore, toujours le même problème de flou. Cette maladie incurable qui soigne par pack de 12. Hey. Ma belle, y'a pire, passe-tu à la tâche. Respire. La vie est belle, ça s'écrit pas VIH. Toujours le même salaud, dégueulasse, efficace. Rapace qui joue le beau, alias tout Diziano. Première thune, mon premier pas en studio. Comme le premier pas sur la lune. Les mêmes raglis, les mêmes cliniques pressentis. Orti, Zara Somroti, Ozokiati. Les mêmes histoires de Talma, Gino et Kelly. De la mort de Biggie, au pont de l'Alma et les Didi. Ici, tu hoches la tête, l'album te met en transe. Sniper gravé dans la roche, on revient choquer la France. Écoute, hoche la tête si t'accroches. Pour nos familles et nos proches, c'est gravé dans la roche. Sorti de mes mains, c'était écrit, c'est pas un hasard. Un jour notre place sera. Un peu de sniper. Alors, eh ben, 2015, on vient mettre ça bien. Tu sais d'où ça vient. Frérot, bien, toi bien. 9-5, ouais, ouais. Est-ce que ça te convient? Allez. Alors, bordel. Bordel de merde. Ce petit piano magique. Ah oui. Et ils sont là, Sniper, avec nous ce soir dans le Planète Rap consacré à Blacko. Quel plaisir de vous retrouver, ça fait plaisir aussi aux gens. Je vois les messages. Ouais, les petits messages sympas, c'est sympa. Réécouter les sons, ça me ramène loin, putain, l'ancien. Des putains de souvenirs même. J'ai grandi. D'ailleurs, ça devait faire bizarre quand vous visiez ce morceau séparément, quand vous avez fait des scènes. C'est plus pareil. Vous retournez, merde, ils sont pas là. Bah, c'est pas la même magie. Mais après, c'est voilà, la jeunesse, des fois, ça fait aussi des conneries. Et on se dit pas les trucs. Et voilà. L'important, c'est de se retrouver. On voilà. Tous mûrir et voilà quoi. Et ils sont là ce soir dans l'émission. Ouais, ça fait chelou. C'est vrai ouais. Ça fait chelou. Ouais, mais ça fait du bien. Ouais, chelou bien, mais ça fait bizarre. Voilà, c'est comme ça. Et bah, c'est le Planète Rap avec, avec Blacko. Dans un instant, on partira aussi sur ce EP qui est digitalement dans les bacs. Voilà, toujours LTEC disponible. Le temps est compté. Je sais pas quel morceau t'as envie de passer ou. J'ai envie de mettre encore. J'aime bien le nerf de la guerre en ce moment. Nerf de la guerre. Ouais. Il me parle pas mal celui-là. Très bien. Aketo, lui, il est en studio. Hein. Tu me disais ça. Aketo, c'en est où là concrètement constamment. Bah en fait, le truc c'est que c'était prévu depuis longtemps. Il y a eu des petites galères qui m'ont fait que j'ai dû tout recommencer à zéro. Donc voilà, en reconstruction depuis tout ce temps. Et voilà, je prends mon temps, tranquille, pas pressé. Pour 2015 peut-être. Je dis rien pour l'instant, ça se mijote gentiment, on en reparlera quand en temps et en heure. C'est à suivre. C'est ça. Tunisiano lui il produit aussi, hein, il produit des artistes. Ouais, ben écoute, là je suis sur. Allez, c'est une autre étape quoi on va dire. Moi pour le moment j'ai rien de prévu, je vais juste me consacrer un petit peu à la production. On s'occupe d'un petit jeune qui s'appelle Vald. Donc Vald. Il est en train d'arriver, on est en train de préparer son deuxième EP. C'est une autre aventure, je découvre. Donc c'est sympa aussi, tu vois. Bon ça se passe bien en plus. Ouais, très très bien même. Franchement très très bien. Beaucoup de bons retours sur Vald. Ouais, magnifique, franchement, il a son. Il se balade un peu en tournée aussi, je crois, Vald, un petit peu partout. Exactement. Donc n'hésitez pas à aller voir, à les suivre aussi, hein, que ce soit Tunisiano sur les différents réseaux sociaux. Ouais. C'est Tunisan. Tunisan, c'est ça. Tunisan, Aketo officiel. Aketo officiel. Blacko officiel. Et Blacko officiel. Dans l'officialité, voilà. À son maximum. Au son paroxysme. Tu fais un live, toi, Blacko, ce soir. Il y en a qui chantent un peu là, parmi ces gens. Moi je suis chaud de toute façon. Oui, j'ai vu que t'étais chaud. Ouais. Ah, moi je suis chaud. Bah, reste chaud. Dans un instant, on va revenir. Allez. Avec vous aussi au freestyle de Planète Rap 41759. On revient juste après ça et on balancera aussi donc le morceau, le nerf de la guerre. The one. Planet Rap. Ladies and gentlemen. Planet Rap. Skyrock le reçoit en direct et pendant une heure complète ce soir avec Blacko sur Skyrock. Et un extrait du EP, le temps est compté maintenant. Le nerf de la guerre. Et nous sommes tous contaminés. Yeah, yeah. Oh non. pas d'oseille, t'es considéré comme un paria. Proposer des monts et merveilles, tout le monde veut le champagne et le caviar. Mener une vie loin du besoin, on pense que l'argent est une sûreté. Faut faire des thunes par n'importe quel moyen, pour se sentir en sécurité. C'est la course aux billets violets, tout le monde cherche à faire fortune. On a tous dans la tête des projets, mais pour les réaliser il faut des thunes. Alors obligé de charbonner en règle ou de manière illicite. Faire le taf pour que l'oseille rentre à Babylone, tout est question de fric. L'argent est le poison de ce monde et nous sommes tous contaminés. On n'emportera rien dans la tombe, si pas rien ne se fait sans billets. Y'a trop de factures à payer, la traille, les mamans, tu connais les histoires. C'est une triste réalité, mais dur de subsister dans leur matrice en genre. L'oseille c'est le nerf de la guerre, et nous sommes beaucoup de soldats. Prendre des sous, assurer nos arrières, réussir à mettre bien nos MIFA. Quand le compte est blindé, c'est sûr ça va forcément mieux. On vise la retraite anticipée, car on ne vivra pas tous forcément vieux. Sans taille, c'est la haine, et la pression se fait constante. On ressent une tension, lorsqu'elle se fait rare ou absente. D'une manière ou d'une autre, il faudra se lever pour aller la chercher. Nous sommes tous esclaves de l'argent, tous esclaves de nos porte-monnaies. L'argent est le poison de ce monde et nous sommes tous contaminés. On n'emportera rien dans la tombe, si pas rien ne se fait sans billets. Y'a trop de factures, tu sais. Les mamans, tu connais les histoires. C'est une triste réalité, mais dur de subsister dans la matrice en genre. L'argent ne fait pas le bonheur, mais sans tu te sens vite dans la merde. Paraît qu'il n'a pas d'odeur, mais il couvre le parfum des emmerdes. Quand tu es sur la paille, tu te retrouves vite fait sur les nerfs. Obligé pour faire entrer la maille, elle va toujours sur le pied de guerre. Je sais très bien que je partirai sans, je veux juste mettre les miens à l'abri. On n'a rien sans rien, tout a un prix. Dans la foque système, rien n'est gratuit. Frérot, pas le choix, faut faire des cales. Car sans bif, tu vas pas bien loin. Je me fous qu'il soit propre ou sale, tant que les miens mangent à leur faim. L'argent est le poison de ce monde et nous sommes tous contaminés. On n'emportera rien dans la tombe, si pas rien ne se fait sans billets. Y'a trop de factures à payer, la traille, les mamans, tu connais les histoires. C'est une triste réalité, mais dur de subsister dans leur matrice en genre. Le nerf de la guerre à l'instant, c'est bang, sur le EP bang. De Blacko, EP ça, digitalement disponible à l'instant. Et donc Sniper. On s'est ambiancé un petit peu. Non pardon, ouais, ça s'est ambiancé, j'ai vu, j'ai vu. On a dansé, on s'est. Ah, j'ai vu. Dès qu'il y a un son, Blacko. Un petit jerk. Ok, d'accord. Avec Sniper ce soir, Aketo, Tunisiano, ils sont là. Ils sont là. La surprise de, ce jour. La surprise du chef. Voilà, la surprise du menu du chef. Voilà, avec nous ce soir, entre. Ça fait plaisir à plein de monde. Je ne sais pas si vous avez vu les messages. Ouais, ça fait plaisir. Défilé, messieurs. C'est même le plat du jour. Ouais. Et encore un big up à tous ces gens qui ont fait que si Sniper il puisse exister et chanter, frère, bah voilà. C'est tous ces gens qu'on rassemblait dans les scènes, hein. Ah bah il y a eu des sacrées tournées, ouais. Les briquets allumés, ouais. Tout ça, frère, c'est ça qui te donne envie de continuer. Tu gardes tout ce genre d'image dans la tête, tu vois. Et c'est voilà quoi. C'est le big up à tous ces gens-là. Big up. Et bah ce soir ils sont là avec nous, ça va faire plaisir aussi, je pense, à Ushio de Paris, Ukio. Allo. Allo. 1-2. Allo. C'est Ushio. Salut, ça va ou quoi? Ushio, yeah. Ou Ukio? Ucio. Ucio. Pardon. Ucio. Ah. Ça va bien, Ucio? Ça va et toi, Fred? Eh ben écoute, en pleine forme. Content de retrouver aussi Sniper ce soir dans l'émission. Ouais, super content. Je viens d'apprendre la réconciliation que ça m'a fait. Super plaisir pour la reformation du groupe. Je trouve que merci, c'est quelque chose de super, super lourd. Yes, merci. Je vois les messages des gens. Gros, on a fait verser une petite larme et tout. Il y a des gens qui. Ça fait plaisir en tout cas. Voilà. Forcément, il y a plein de souvenirs sur vos morceaux. Et ouais. Voilà, et on a trop des souvenirs, ouais. C'est ça. Si on parce que parle, vous en avez, mais pour les gens qui viennent vous voir ou qui ont écouté vos morceaux, c'est pareil. Hein. Ouais. Ça marque une époque, ça marque un moment précis. Tiens, dites-nous aussi les moments précis de Sniper, vos moments à vous. Ce que vous vous souvenez en écoutant Sniper ou si vous les avez vus en concert avec le hashtag Sniper sur Skyrock ou Blacko sur Skyrock. Vous balancez tous vos messages. Ucio, est-ce que tu es prêt à nous faire un bon freestyle? C'est parti. Attention, il y a un petit cadeau, il faut bien envoyer ça. Ah oui. C'est parti. Ok, ça marche, on fait ça. Yeah. Ça what? Yeah. Ah, a cappella. A cappella en plus? A cappella? Oh non. Non, c'est pas a cappella? C'est nouveau. Non? Ah bah comme tu veux, t'avais choisi un instrument. Ça peut être bien aussi. Bah. A cappella, vas-y. Bon, allez, a cappella, c'est parti, vas-y. Allez. Ok, a cappella, ça marche. Lego. Yeah, check. Tu sais, les kickers d'aujourd'hui se ressemblent tous. On parle que de concurrence, putain, on n'est même pas foutu de se donner un coup de pouce, ça me fout le blues. Y'a plus d'originalité, gars, t'as pas idée, moi-même mon rap est copyrighté. Hey, t'as capté la rythmique, tu veux faire un tour dans le turfu en 2016, les bobos des battes de balistique. On sait, tous mis à la trappe, alors pourquoi tu clames que t'es jamais dans la tendance, t'attends le retour de flamme. Non, alors casse pas les couilles et casse-toi, écartez-vous, je suis à l'escousse, donc donnez-moi une face A. Que j'en fasse un classique, ou bien une merde de plus. À vrai dire, dans la zig mu, ouais, y'a pas mal de gus. Donc, y'a pas d'autre choix que de celui de faire la... On restera en bas de l'échelle à faire du rap pour le kiff. Puis, dans le fond, les deux me conviennent, quoi qu'il advienne. Je serai jamais la resta, non, j'ai pas le temps, moi, je vis sous carpe diem. Check, je veux pas d'une vie cadavérique en Amérique. Ça quitte depuis des décennies, donc check la case des dix. Big up à mes frères blancs, beurre, métissés, noix, chier, blaco qui s'approvisionnent chez l'épicier. Puis, j'en place une pour mon 7-5. Peut-être qu'un jour, on se tira, faut voir avec le destin. Et je reste un petit con le soir, profitons du festin. Sinon, ce sera maintenant intermarocain, direct, je le teste, hein. Ça fait gauche-droite, mille dedans ta face. On investit les HLM, ma gueule, je cache pas qu'il n'y a pas de palace. On charbonne nuit et jour, donc on a des cernes sur la face. Samedi soir, on va teaser le mélange, pourtant j'ai pas très soif. Bra. Yep. Ah ouais, lourd. Eh ben, Lucho, bravo, tu mérites largement. Ouais, le cadeau est gagné. Qu'est-ce que... Vas-y. Merci, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Oh là là, il y a eu un... Ça a été piraté, c'est les autres ados qui sont énervés. Sniper, ça revient, il faut qu'il se passe un... Je sais pas si vous avez entendu, alors je sais pas si c'est dans toute la France, mais nous, on a eu une coupure, une micro-coupure en fait. On a eu quelque chose. Ça vient du... Je pense que ça vient des autres ados qui sont énervés. Que Sniper se reforme dans Planet Rap. Ouais, t'as gagné le cadeau. Le cadeau, c'est... Le cadeau. C'est une chicha électronique de la marque Ookie. C'est vrai. Et donc, c'est pour toi. C'est cool. Est-ce que je pourrais juste passer du coup un petit big up? Vas-y, on t'écoute. Bah déjà, gros big up à Skyrock, gros big up à Fred, big up à Sniper. Encore aussi. Aujourd'hui, je vous écoutais dans le métro et là, ce soir, je pensais pas du tout avoir une information comme ça. Je voudrais passer un big up à tout le 12e, un big up au lycée Paul Valéry, un big up à la Drasqua et un big up à Authentic Crew. T'écoutais quoi de Sniper tout à l'heure dans le métro? J'écoutais Prix pour cible. Prix pour cible, c'est vrai que c'est un des morceaux qui revient le plus. Incroyable. Le premier même, je dirais. C'est le premier qui a fait exploser, exploser le truc. Bah, si vous voulez, on peut en remettre un aussi de Sniper, les gars. Ouais, comme vous voulez. Ou un live, petit live. Ouais, moi je suis bien dans un truc comme ça aussi. Donc tu vas aller au platine et Rise ou... C'est très, très possible. Ça c'est fort probable. Bah, alors remettons un petit son de Blacko et après on attaque le live. Allez, accrochez à mes rêves toujours parce que c'est. Voilà. En plus, on est trois accrochés à mes rêves ce soir, donc c'est voilà. Accrochés à mes rêves. Tourner à la Réunion. Big up à Matt Kill. Big up Charlie Collodion aussi, avec Droniste. Très important. Ça va bien avec la soirée de soir, le morceau qu'on écoute tout de suite. Extrait du EP. Comme tout le monde, j'ai un but. Comme tout le monde, j'ai un rêve. La vie est mon professeur et je suis son élève. Patient et à comprendre que tout vient à point. À qui c'est attendre? Si j'ai une bonne étoile, alors je lui fais confiance. Elle fera tourner la roue si je saisis ma chance. À moi de me donner les moyens pour y arriver. Je sais que pour réussir, faut en bader. Le chemin est long et souvent rempli de doutes. Mais je sais que là-haut, il y a quelqu'un qui m'écoute. Et si j'échoue, au moins j'aurai tout essayé. Mais d'ici là, je laisse mon cœur me conseiller. Si le chemin est long, même s'il faut. Je bataille, j'irai au bout de mes ambitions. La foi sera mon gouvernail. Je prendrai la direction. C'est dicté par mon instinct. De toutes les façons, seul je sais ce que me réserve le destin. J'ai souvent eu l'envie de tout laisser tomber. Puis j'ai compris que les obstacles, il faut les enjamber. Rester concentré sur mon objectif. Que j'arriverai à rien si je pense négatif. Croire en ses rêves c'est exister. Avec le sourire aux lèvres faut avancer, résister. Si la vie met des coups, c'est pour apprendre à encaisser. Pour nous donner une leçon ou pour nous faire progresser. Quand le moral n'est pas là et que tout s'obscurcit, j'attends que la tempête passe pour entrevoir une éclaircie. Je me remets en question et je relativise. Et je repars sur la route avec de l'espoir plein les valises. Accroché à mes rêves comme quand j'étais enfant. Je ne lâche pas l'affaire, je continue à aller de l'avant. Et qu'il se réalise ou pas, j'irai quand même jusqu'au bout. On verra bien à l'arrivée. motivé. Si ça remballe les coups, il fait grandir mes rêves et nourrit mes ambitions, oui c'est vrai. Faudra que je sois fort et courageux. Je devrais ignorer les envieux et les rageux. Je lèverai les yeux vers le ciel même s'il est orageux. Oui je ferai tout mon possible car nous est l'enjeu. Je mettrai tout en œuvre pour aller toucher mes rêves. Je vivrai l'instant présent car la vie est trop brève. Seul Dieu sait ce qui est écrit pour moi. Alors je verrai bien, je fais mon chemin demain, on verra. À l'instant, Blacko avec ce morceau qu'on écoutait, c'est le clip. Accroche à mes rêves, le clip est dispo, hein, vous pouvez mater. Voilà. Cliquez, allez les regarder. Belles images de la Réunion aussi. Donnez-nous des retours, si c'était bien, pas bien. Toujours quoi. Est-ce qu'on est prêt pour le live maintenant, Blacko? Ah ouais, toujours. Je te sens bien en forme. Ouais. Ah ouais, c'est ce genre de truc que j'aime bien. Y'a du monde ou pas? Ouais. Oh là là là là. Et Raizé, le roi est au platine aux commandes. Timidité des gens, est-ce qu'il y a du monde ou pas? Voilà, merci s'il vous plaît. Bon, qui veut rapper, viens rapper. Moi, c'est comme ça, on va faire un truc. Hein. Qui veut chanter, chante. Même si t'es pas rappeur, t'as envie de te lancer, lance-toi dans une carrière. C'est le moment ou jamais, on va dire. Bang. Bang. Allez, c'est parti, session live dans l'émission. Ah, c'est le cuisinier. Il a tout ce qu'il faut. Ah, croyez-moi. Allez, on va tirer la ratemance. Croyez-moi. Check. Oh. Avec, tu veux un son à l'ancienne? Ok. À l'ancienne, je prends le microphone, je l'équipe, peu importe la façon qu'elle vienne. À l'ancienne, tu disais qu'on était en chien, tu vas rester en chienne. Oh, ça y est, c'est parti, la machine est lancée. SNIPER, rap français, tu vas l'apprendre, surtout Blacko, sourcils froncés. Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est juste les débuts de l'énoncé. J'ai pas encore écrit, juste improvise. Tu vois ce que je veux dire? C'est un petit sniper qui te vise. J'ai vieilli, c'est vrai, mais mon amour reste intact. Tu veux me clasher, frelot, va falloir que tu te rétractes. Ou passe à l'acte vite, sinon je vais agir. C'est de n'importe quoi que j'ai écrit. Va réfléchir, hein. J'ai plus le temps pour toi. Y'a un sniper, mon 3 sur le toit, hein. Ça kick, c'est magique, c'est comme le PSG. Quoi? Qu'est-ce qui se passe en face de moi? Tu restes figé. T'as pigé que rien n'est rédigé, que j'ai irrigé. Une tour, tu ne peux monter. Alors reste à ta place, frelon, hein. Sur toi vient s'abattre une tempête de grelons. On n'a jamais chopé le melon, hein. On fait juste bouger la nuque de tous les frelons. Freestyle, pagaille en direct. Est-ce qu'un Skyrock, tout le monde, il est chaud? Voilà, c'est ça. Encore. Un Skyrock, tout le monde, il est chaud. Hein. Ce soir, c'était la surprise ou pas, ouais? C'était la surprise. Alors, écoute, hey. J'arrive. Check, break-moi ça, Raizé un peu. Hein. Ok, ma surprise, tu sidères. Est-ce qu'elle sidère? C'est mieux qu'un Kinder, hein? Pas de clownerie comme sous le truc plein d'air. J'arrive, pas de problème, regarde ce que je vais faire, frère. SNIPER, reformation. Qu'est-ce qui se passe? C'est mieux que dans les informations. Préviens BFM, préviens les tous. On revient dans ton rap game, on va te foutre la frousse. Quoi, moi, j'ai pas Pera. Approche-toi, je vais t'amocher, tu vas tomber grave. Ouais, t'inquiète pas, parce que depuis tout ce temps-là, Blacko, il a taffé grave. Ouais. Et toute façon ton flot de mer, je te jure qu'au fond il est bourrave. Plus le temps pour ça, le temps pour les braves. Et au fond on fera tout ce qu'on pourra. Tony, tu veux perdre un peu ou pas? Rap. Allez, vas-y, rap, on est là. Je me ferais bien un petit savoir. On va se le faire, mais viens on kick ça, on est là. Tu veux que je te mette un petit refrain pour toi? Oh la Zermi, qu'on va leur mettre en 2015, ils sont pas prêts. Skyrock, ils sont pas. Oh la Zermi, qu'on va leur mettre Excusez-moi, je place une vibe si je peux me le permettre. Dans le rap, quoi, moi j'arrive, frère, je vais te prendre, toi, ton flow te tèche par la fenêtre. C'est du freestyle, pas guy, non, c'est pas écrit. Qu'est-ce qui se passe? Va chercher dans mon indicateur, je serai pas écrit. J'ai pas de papier, pas de stylo. Je serai ta bilo, Mike, frère, t'inquiète, tu cales les frelots. Aketo, t'as pris le scas, crois que t'es chaud. Tu t'es approché en direct de Sky à Fredo. Ok, on va chez là, ça, c'est la réunification. Pas de problème, amical, pas de complications. C'est ça, ouais, je crois que j'admets aussi. Quoi, nous, c'est quoi des potes? Ouais, des vrais MC. On kick avec le cœur et puis ça sent. Qu'est-ce qui se passe? On est là, toujours à 100%. Yeah, t'entends une petite ça. Oh là, c'est là. Un petit dernier texte, touche d'id. Allez, touche d'id. La bonne cité. Qu'est-ce que je deviens? Ok, ça bafouille, c'est pas grave, je repars. Ça fait, ça. Yeah, qu'est-ce que ton mic? Je monte ou pas? Ouais, yeah. On est là. Tu veux une autre instru, c'est ça? Non, non, c'est bon, laisse. Alors, prends là. Qu'est-ce que je deviens? T'occupe, considère que j'ai stoppé le rap. Je grave pas du genre un paluche sur les anciennes gloires. Ok, je connais le taf, mais je préfère changer de cap. Voilà. Être là où est le cas, changer de bled, refaire mes faf. Voir mon fils pousser, touche d'espoir. Son regard suffit à me booster. J'écris par besoin, pas de projet particulier dans ce domaine. Quand je pense aux rêves partis en fumée, je suis pas si touché. Tiens, les priorités changent, trop zen ou trop peu démonstratif. On se protège comme on peut, faut que j'éponge l'artiste. Quand t'es en mode faible, on t'en sorcelle. Faire mon rallye, c'est tout ce qui m'obsède. Augmenter mon tarif car je fais un travail d'orfèvre. Des concessions naïves, je suis pas prêt d'en refaire. Mes derniers sommes ont même pas mixé à fond dans le fer. Vite baissé, je me ravitaille chez l'épicier. Ce soir, je me fonce d'air. Qu'est ton mic, c'est ça, SNIPER et ça ne s'arrête pas. Ok, nouveau son pour moi. Je vais le kicker comme il se doit. Tu parlais sur moi, je reprends ma couronne de roi. Allez, tu t'assois sur mon troisième doigt. Si. Et puis, de toute façon, tu vas faire quoi? Je suis en improvisation, je te jure, tu m'arrêtes pas. Non. Je suis reggae man, mais je me rappelle du temps où j'ai coulé quelques red bas. T'appelles pas, je sais d'où je viens. Sur le microphone, j'ai de quoi te mettre en chien. Allez, viens, je me maintiens. J'ai la voix un peu cassée, mais je vais faire ça bien. T'inquiète, c'est complètement improvisé. Pas de problème, je suis là, MC, je te sens terrorisé. Je crois que je viens t'atomiser. Sur nous, il faut miser. 2015, on est là, frère, on va tout risquer. Des disques d'or, si Dieu veut. On fera ça pour nos types. On est père de famille, on a les yeux qui brillent. Remballe-toi tes grosses clemues et puis ta jonquille. On sent pas, nous, nous, on reste vrai. Trait pour trait, ouais, trop frais. Tu vas l'apprendre, c'est vrai. Allez, ferme ton museau, là, tu comprends plus. C'est qui, c'est Blarco qui te l'a mis, qui te l'a mis. Tout droit dans ton trou du chat. Doucement, doucement, doucement. Ah là, freestyle, c'est ça. Non. Si tu jettes ce piano, est-ce qu'il y a du monde? Est-ce qu'il y a du monde? Est-ce qu'il y a du monde ce soir? Vous allez bien faire si vous connaissez pas cette chansonnette. Hey, mon cousin, je vais devoir chanter. Eh, hey, tonton, t'es ready? Je suis ready. On dirait que pas tous les anciens ce soir. On dirait que les nouveaux. On dirait que oui. Yeah, yeah. Dans ce rap beat, on est arrivé les mains dans les poches. À l'époque, c'était on fait le beat, on fait le truc à la rage. Et laisse parler la rage. Ouais, mais sauce, on vient graver ça dans la roche. On a la dalle et rien dans le beat. Depuis, le place a tourné, tu connais la suite. Tout ça est passé bien vite. Je sais que j'en suis. Oui, je suis en suite, j'ai lâché mon fils. J'ai pas fait le fisc. Prépare mon disque solo, estampillé, front kick. En sous-marin, je travaille. Si je suis sorti de mon trou, pour venir à Sky, c'est juste pour voir se reformer le groupe. J'ai fait entre nous. Qui nous ont connus et sommes-nous avant tous les autres. C'est pour un père de famille qui charbonne dur quoi qu'il en coûte. Les histoires de rappeurs, que tu veux que ça nous foute. Je donne ça comme à l'ancienne, après une grosse parenthèse. Faut qu'il te boit le week-end, je suis bien chez moi en Charentaise. Si je me suis déplacé, c'est pour que tu saches qu'on peut pas m'effacer. Comme un tagalacide ou comme ton blind. Gravé à la bougie sur les vides du RER. Tout le monde et approche, écoute, hoche. La tête si t'accroche pour nos familles et nos proches. Sorti de nulle part. C'était écrit, c'est pas hasard. Un journal de l'astre. On lâche pas, on s'accroche. Du but, on se rapproche. Sous disque ou sous le porche, c'est gravé dans la roche. Maintenant, reste les mêmes. On retranscrit la vie qu'on mène. Gravé dans la roche. Malgré tout ce qui s'est passé, j'ai pas changé. Je suis toujours le même enfoiré. Je retourne pas m'assever. Je garde mes principes et mes points d'attache. Je kiffe pas la célébrité. Je ramasse juste mon corps. Faut mes points de repère. Sinon, je suis du père. L'ami, fallait go les cons. On s'est fait faire. Rien à foutre de leur hip-hop, jet set. Je profite de la chance que j'ai, joue pas le curry. Je me prends pas la tête. Je suis pas une vedette, non. Et je veux pas en être une. Je suis pas mieux qu'un autre. J'ai pas marché sur la lune. Gravé dans le bitume, gravé dans la roche. Juste ma plume et mes proches. Je me rappelle de nos débuts. 9-5, commencement d'histoire. compositions d'albums. On voulait même pas y croire. 2015, on remet ça, on en avait en route. Regarde nous, on est là. C'est la route. On le verra. Au coup de la iris. Continue et continuera, Inch'Allah. Plus du bravère et approche, écoute, hoche, la tête si t'accroche. Pire, famille et nos proches, c'est Manon Estimi derrière là. C'est pas ça, un jour on te placera. On lâche pas, on s'accroche, non. Du but on se rapproche. Non. Sur disque ou sous le porche, c'est Manon reste les mêmes. On retranscrit la vie qu'on mène, sur disque ou sur scène, c'est. J'ai presque arrêté le chanvre, fini de rapper dans ma chambre, tu sais. Tout a changé depuis le 11 septembre, mais pour le reste, c'est idem. Du kiff-kiff au final, t'as reconnu la voix que t'aimes, la même signature bon. Et chaque à l'arrache, du hip-hop sans complexe, tellement gravé dans la roche. J'allume mes clopes aussi, et riche, pas encore. Toujours le même problème de flou, cette maladie incurable. Qui soigne pas, pas de douce. Et ma belle, y'a pire, t'es bâche, tu as la tâche. Respire, la vie est belle, ça s'écrit pas. Toujours le même salaud, dégueulasse, efficace, rapace, qui joue le beau. Alias Tunisiano. Mon premier cassage de dos, comme mes premières thunes. Mon premier pas en studio, comme le premier pas sur la lune. Et les mêmes raclis, les mêmes tuminiques pressentis. Ourti, c'est la somme rotée au souk et arté. Et les mêmes histoires d'Arma, Gino R. Kelly. De la mort de Biggie, au pont de l'Allemagne, les Didi. Ici, tu hoches la tête, l'album te met en transe. C'est pour 2015, et approche, écoute, hoche la tête, tu t'accroches. Pour nos familles et nos proches, c'est sorti de nulle part, c'était écrit, c'est pas un hasard. Un jour notre place, hein. On lâche pas, on s'accroche, oh. Tu butes, oh. Sur disque ou sous le porche, oh. Manon reste les mêmes, on retranscrit la vie qu'on mène. Sur disque ou sur scène, c'est grosse dédicace à Blaco, son projet vient de sortir. Même si aujourd'hui on parle de Sniper, avant toute chose, on tient à soutenir le frérot qui vient de sortir son projet. Donc ouais. Et approche, écoute, hoche, la tête si t'accroche. Pour nos familles et nos proches, c'est sorti de nulle part, c'était écrit, c'est pas un hasard. Un jour notre place sera. On lâche pas, on s'accroche. Du but on se rapproche, sur disque ou sous le porche, c'est même, Manon reste les mêmes. On retranscrit la vie qu'on mène, sur disque ou sur Skyrock. Alors. Yeah. SNIPER, papy. 900 à 7-0, toujours là. Eh, vous êtes cons, mais foutu la charte de poule, les gars. Franchement, bravo, pas applaudir. À l'instant, en live. Yes. Merci à vous, merci en tout cas. Vous. Moi, je tenais grosse dédicace à mon frère Robardis. Voilà, ouais. Moi aussi, grosse dédicace à lui. J'embrasse ma famille. C'est le point un peu de cette retrouvaille aussi, ce Bardis. Donc, big voilà. Voilà. C'est la pièce maîtresse, Maîtresse. Exactement, c'est la pièce maîtresse. Bon, moi aussi, là-bas. J'en profite pour embrasser ma famille. Sur Paco aussi qui m'écoute. Puis voilà. Moi aussi, gros bisous à ma madame et mes trois petites princesses, Jaya, Alaya, Madia. Voilà. La caméra, nos enfants. Elle est là. En tout cas, papa, il vous aime toujours. Pour ce live de Gravé dans la Roche, il n'y avait pas eu de répète forcément. Hein, donc, non, rien. C'est un peu freestyle. Bon couplet aussi inédit. Ouais, tonton, il a préparé. Il a sorti le truc. Hein, toujours. Très fort. Surprenant. Et puis voilà. Là, on est là pour le projet. LTEC, toujours. Placo, ça donne la force. On est là. Le projet, il est là. Voilà, comme mais qui dit surprise, de surprise en surprise. Tu vois, on va continuer dans les surprises, mais. Pas ce soir et on laisse non et puis voilà, puis c'est important, il y a des choses qui doivent rester entre vous, entre vous, on se renoue tranquillement, pas besoin de tout raconter aussi à tout le monde. Voilà, là ce qu'on voit et ce qu'on entend, en tout cas ce qui a fait plaisir aux gens, c'est voilà, je disais chair de poule, je dis ça parce que j'ai vu aussi des centaines de messages arriver. Nous sommes en TT aussi avec le hashtag Sniper sur Skyrock, hein, donc ça fait plaisir à beaucoup de gens. Et voilà, et puis ce qui est important aussi, je trouve que symboliquement, même dans l'ère actuelle, des reformations comme la vôtre, ça fait aussi plaisir. Et voilà, et l'aventure continue. En tout c'est cas à nous, ça fait plaisir en premier. On espère que les gens, voilà, ils vont suivre un peu le truc. Et voilà, nous on est là. Donc Aketo, on t'attend peut-être pour 2015. Tu prends ton temps, t'as raison. Voilà, on verra. On s'avance pas bêtement. Je voulais juste faire une dédicace aussi à mon frérot Haroun. Il y a la Secret Boutique qui a ouvert, 80 rue Marcardet dans le 18e. Donc voilà, allez faire un tour. Et bon, salut Tunisiano, pareil. Hein, moi, j'attends la sortie de Valde, sinon j'attends le bus. Pour le moment, je suis calme, je suis tranquille. J'attends le bus, il a dit celui-là. Et puis arrivera ce qui arrivera, s'il y a un autre album, un jour de Sniper, une tournée. Si Dieu veut, c'est ça. Voilà. Ce sera à vous de chaque décider. Chose en son temps, chaque chose en son temps, voilà. Car le temps est compté, bien évidemment. Merci en tout cas à vous, ça fait plaisir à beaucoup de monde. Merci à vous, les snipers qui étaient là ce soir. Juste avant de se quitter, on fait tourner la roulette, c'est parti. Skyrock t'offre la superstar US. Nicki Minaj. En concert avec ta radio préférée. Erna de Marc-en-Barœul, ça va bien Erna? Oui, ça va. En pleine forme, Erna? Ouais, trop. Ah, et moi aussi. Trop contente. T'as entendu les snipers retrouver dans Planète 1? Ouais, à l'ancienne le son en plus. Ah, le gravé dans la roche, magnifique. Magnifique ce morceau en live à l'instant, gravé dans la roche. Et toi, Erna, tu viens faire tourner la roulette? C'est parti, on la lance? Ouais, c'est parti. Allez, go, coup d'envoi. Surprise aussi. Concert de Nicki Minaj, deux places. Et c'est parti. C'est pour toi, Erna. C'est 25-26 mars. Au Zénith de Paris, il y a deux places qui t'attendent. Merci. On te fait des bisous. Passe une bonne soirée, Erna. Merci, vous aussi, tout le monde. Et bah, tout le monde, merci, on s'embrasse tous. C'est la fête ce soir. Voilà. Ciao, Erna. On te fait un bisou. Merci, Blacko, ciao. En tout cas, pour cette belle surprise, cette belle soirée. C'était partagé avec vous, et voilà. Et tu seras là aussi demain, juste. Demain, c'est soirée anniversaire. Ah, croyez-moi que demain, on a préparé. C'est soirée anniversaire pour Blacko. Attention. Soirée anniversaire, ça approche, là, dans quelques heures. Ouais, ouais. Voilà. Avant de partir aussi demain, retourner à Marseille. Big up rapide aussi, big up Nico Prod, qui est là aussi, on n'a pas parlé beaucoup. Mais Nico Prod, c'est un compositeur réunionnais et tout, et je vais bosser avec lui pour différents trucs pour la Réunion. Donc la Réunion, elle est là. Nous, ça fait une affaire, et inquiète pas pour ça. Yeah! Et puis tu le disais aussi tout à l'heure, l'album de Blacko qui arrivera donc mai fin mai début avec juin, un morceau si inédit un de avec Sniper dedans, brand new, et voilà. Merci à vous, merci à toi Blacko. Demain, merci Rice qui était là. Merci frérot, un gros big up à Radmo. Ouais, mon vrai gars Radmo, gros big up la famille. Bang bang bang. Et encore une dernière pour Blacko, t'as vu tant qu'on y est. Voilà. On tient à soutenir le frérot. Si on est là avant toute chose, c'était pour le soutenir. Même si ça nous fait à cœur de nous réunir et de autour du micro de Sky. Mais bon, avant toute chose, c'est on soutient le projet, le frérot. Et puis c'est une partie remise. Voilà. Merci à vous. On va retrouver Difool maintenant et toute l'équipe, la Radio Libre. Les deux frères. Mon Bakar aussi qui est là. Difool n'est pas là. Drikis. Ah, il y a du monde. Ah ouais, l'équipe n'est pas là. Que se passe-t-il? T'es là ou t'es pas là? On est là. On a profité des snipers jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Salut les snipers, ça fait plaisir. Ouais. Cool. De grand kiff. Ouais. De vous retrouver tous ce soir. Je savais qu'il n'y a pas de surprise dans le Planète Rap. C'est fou, de Blacko. Ah, mais comme chez toi, dans un instant. Oui, voilà. On ne sait pas ce qui va se passer, nous non plus. Bon, les snipers, on vous remercie. Merci pour tous les sons que vous avez passés pendant une heure. Merci d'être revenus nous voir tous ensemble. Ça fait plaisir. Ça nous fait plaisir aussi. Et puis, n'oubliez pas Blacko. Blacko, c'est demain, 20h, 21h, dans toujours Planète Rap. Le retour. Toujours là, Blacko. Tu squattes toute la semaine, toi. Toute la semaine. On se met bien. Squatteur officiel de Planète Rap cette semaine. Ah, voilà, au moins une semaine, tranquille. Bon, Keto, Tunisiano, merci à vous. Yes, big up, big up. Et à très très vite, les snipers, ça nous a fait plaisir. On est content d'avoir bien démarré la soirée, je peux vous dire que ça a bien continué. Dans un instant, qu'est-ce qu'on fait? Ah, bah, on vous retrouve en direct, déjà. C'est la question que j'allais vous poser. Oui, et bien Fred, on peut retrouver tout le monde en direct. Par exemple, si dans la soirée, Fred, t'as envie de passer un coup de fil, n'hésite pas, tu peux passer dans l'émission. Mais grand plaisir. Et ça nous ferait plaisir à nous aussi. Je reste là à n'importe quel moment. À n'importe quel moment. Donc entre 21h et minuit, faites comme Fred, vous nous appelez, vous nous laissez vos messages sur le 41759 sur l'appli Skyrock. Et je suis en train de regarder qu'est-ce qu'on va se passer comme premier son de la soirée. Ah, on va faire un petit blind test avec Fred, le spécialiste du blind test. T'es prêt, Fredo? Coup d'envoi, vas-y, chuchot. Alors, coup d'envoi, Fred. Écoutez bien les autres aussi. Qu'est-ce que c'est? Alors, qu'est-ce que c'est que ça? T'es prêt? Je suis prêt. Attention. Ça va aller très vite. I love McConan. Oh là, frérot. Avec Drake. Ah, je lui ai dit que ça allait aller très vite. Hein. Drake, I love McConan, découverte Skyrock. On va vous passer maintenant la grosse son carré. On écoute Tuesday. Et puis donc, si vous avez besoin de nous, c'est parti. Dans deux minutes, une minute, là, on démarre. On démarre la Radio Libre avec I love McConan. Gros son avec Drake. Et rendez-vous demain, 20h, 21h pour Planète Rap. C'est avec toi, Fred, et avec Blacko. Avec Blacko de retour, ouais. Et le projet, le temps est compté. Et oui, à pas louper, demain, 20h, 21h. Salut Fredo, salut tout snipers. Ouais, salut tout le monde en train de discuter et tout dans le studio. C'est les grandes retrouvailles, ouais, ce soir. C'est ça. C'est un super moment en tout cas. Et nous on y va, c'est parti. Jusqu'à minuit sur Skyrock Radio Libre. Ciao, ciao. Ciao Fred. 1500 euros tous les matins sur Skyrock.